qu'il est beau, ce musée. Et je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux. Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales ? Non. À part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. Ah, c'est une réussite, à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat.